J'en ai vu des psychiatres qui prenaient mon ego et remplissaient le plâtre, les failles de mon cerveau. De Paris à Bayonne, je les ai côtoyés. Et moi, d'un ivrogne, j'ai perdu ma fierté. Dans des détails sordides, j'ai raconté ma vie. Et tout comme Candide, naïf qu'on apprécie. J'ai attendu en vain qu'on guérisse mon âme. Et comme mon chagrin, en rallumant ma flamme. J'ai essuyé des plâtres, mené des monologues, devenant